Les bad boys sont là, là, là. Les good boys sont là, là, là. Come on, baby. Come on, this is what I'll say. Fuck the police. I wanna do something freaky. Se faire accepter, j'espère que tu tiens la forme. Va falloir cavaler. Rose sont les bébés cadam quand je mate la télé. À croire que les miens sont pas de la norme pour contre anti-pé. Je m'inquiète pour les droits de l'homme qui vient de se faire lyncher. Par derrière, on l'assomme après l'avoir menotté. Lui-même créera le sérum pour tous ces enfoirés. Un peu d'acier d'aluminium. Le tout bien propulsé par un 357 magnum pour ne pas rendre. Faut délégué comme on déguise les connes avant de le voir exploser. Que tu me pardonnes ma bonne et pense à la bonne tonalité. Je parle de tout grand vrac, tout dans le même sac. Pour les petits, pour les grands, pour les jeunes, pour les vieux, pour les jeunes, pour les blancs. Pour les blacks, sur la défense, et je pince à l'attaque. La haine, les saveurs esquisses, t'es seulement pénis. Personne ne brise, fais gagner ta mise. Mille, c'est chant pour le bis. Mon style, j'ai guise, l'impeille, j'agisse. Qu'est-ce que faut que je dise? Pas de la première place, je vise. Saveurs esquisses, t'es seulement pénis. Personne ne brise, fais gagner ta mise. C'est chant pour le bis. Mon style, j'ai guise, l'impeille, j'agisse. Qu'est-ce que faut que je dise? Pas de la première place. La conseillère dans réorientation, respecte pas les droits civiques. Cette bégère a cru bon t'envoyer faire de la mécanique. Des demandons ce qu'en pense Dominique. Peu vite de laisser nous orientant les jeunes d'Afrique. Moi le problème nous aurons avec ce vent de panique qui déferle dans nos régions et rend les gens hystériques. Sont orgueils des bafongs et viennent brasser notre fric. Faut faire attention qu'ils connaissent l'air en mathématiques. J'ai l'impression qu'ils progressent de façon stratégique. Comme le major Big Red de l'armée de la Sonic. Qui n'a pas besoin d'aide pour foutre la panique. Tu sais comment ils prennent scène, posé sur la rythmique. À te dire au moins que les droits de l'homme c'est pas un mythe. Loud of music. Comme c'est rhythm right now, rhythm right now. Roots and culture, missing to him. Les saveurs esquisses, t'es sans mauvais. Personne ne freeze, brigade double à mes spins. C'est chant pour le biz. Mon style, j'ai guise, la paix, jadis. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas la première place que je vise. Saveurs esquisses, t'es sans mauvais. Ce soit peace, Greenpeace. Mes sœurs, mes frères, envoyez-vous des kiss. Ensemble sortons du mode practice. Les provocations vaut mieux qu'elles glissent. De ces mois les cons, je les blisse. Faut pas me prendre pour un novice. Je bosse, tel une mégale qui tisse. C'est une fois que tes yeux se plissent, que tu accèdes un niveau goulopisse. Ne te sera d'aucune aide. Tous les gens sont pas factices. Et volonté de sec, un peu de Greenpeace. Mon but par Big Red, mon BG les mines. Le bon je valide, pour ragamuffin. Qui veut du liquide, je sais pas si tu t'imagines. Trop de malpropres font les mecs clean. J'suis dans leur proc, elles font les fruits. Donne-moi de la thune que je cantine. Crazy B, Fast J, and Gussie. We getting down, y'all, with the real hip hop. Peace, love. Black gangsters are at it again. I wonder who they fucked up today, man. You motherfucker!